Chapitre 89e, les antichambres de Monsieur le duc de Richelieu. Monsieur de Richelieu, comme tous les courtisans, avait un hôtel à Versailles, un à Paris, une maison à Marly, une à Lucienne, un logement, en un mot, près de chacun des logements ou des stations du roi. Louis XIV, en multipliant ses séjours, avait imposé à tout homme de qualité, privilégié des grandes ou des petites entrées, l'obligation d'être fort riche, pour suivre dans une proportion égale le train de sa maison et l'essor de ses caprices. Monsieur de Richelieu habitait donc, au moment du renvoi de messieurs de Choiseul et de Pralin, son hôtel de Versailles. C'était là qu'il s'était fait conduire la veille, au retour de Lucienne, après avoir présenté son neveu à Madame du Barry. On avait vu Richelieu au bois de Marly avec la comtesse, on l'avait vu à Versailles après la disgrâce du ministre, on savait son audience secrète et prolongée à Lucienne. C'en fut assez pour que toute la cour, avec les indiscrétions de Jean du Barry, pour que toute la cour, disons-nous, se crut obligée d'aller rendre ses devoirs à M. de Richelieu. Le vieux maréchal allait donc humer à son tour ce parfum de louanges, de flatteries et de caresses que tout intéressé fait brûler sans discernement devant l'idole du jour. M. de Richelieu ne s'attendait pourtant pas à ce qu'allait lui arriver, mais il se leva le matin du jour où nous sommes parvenus avec la ferme résolution de calfeutrer ses narines contre le parfum, de même qu'Ulysse bouchait son oreille avec de la cire contre le chant des sirènes. Le résultat pour lui devait arriver le lendemain seulement. C'était en effet le lendemain que serait connue et publiée par le roi lui-même la nomination du nouveau ministère. La surprise du maréchal fut donc grande lorsqu'en se réveillant, ou plutôt lorsque réveillé par un grand bruit de voiture, il apprit de son valet de chambre que les cours de l'hôtel étaient encombrées, ainsi que les antichambres et les salons. « Oh ! » dit-il, « je fais du bruit à ce qu'il paraît. »« Il est de bien bonne heure, monsieur le maréchal, » dit le valet de chambre, voyant la précipitation que le duc mettait à défaire son bonnet de nuit. « Désormais, répliqua le duc, il n'y aura plus d'heure pour moi, souvenez-vous de cela. »« Oui, monseigneur. » Qu'a-t-on répondu au visiteur ? « Que monseigneur n'était pas levé. » »« Tout simplement. » »« Tout simplement. » »« C'est une sottise. » Il fallait ajouter que j'avais veillé tard, ou, bien mieux, il fallait... Voyons, où est Rafté ? Monsieur Rafté dort, dit le valet de chambre. Comment il dort ? Mais qu'on le réveille, le malheureux ! Allons, allons, dit un vieillard vert et souriant qui parut sur le seuil. Voilà Rafté, que lui veut-on ? Toute la boursouflure du duc tomba devant ses paroles. Ah, je disais bien aussi, moi, que tu ne dormais pas. Et quand j'aurais dormi, qu'y aurait-il eu là d'étonnant ? Il est à jour peine. Mais, mon cher Rafté, tu vois que moi je ne dors pas. C'est autre chose. Vous êtes ministre, vous. Comment dormiriez-vous ? Allons. Voilà que tu vas me gronder, dit le maréchal en grimaçant devant la glace. Est-ce que tu n'es pas content ? Moi ? Qu'est-ce que cela me fait ? Vous allez vous fatiguer beaucoup, et puis vous serez malade. Il en résultera que ce sera moi qui gouvernerai l'État. Et ce n'est pas amusant, monseigneur. « Oh, comme tu as vieilli, Rafté !»« J'ai juste 4 ans de moins que vous, monseigneur. »« Oh oui, je suis vieux. » Le maréchal frappa du pied avec impatience. « As-tu passé par l'antichambre » dit-il. « Oui. »« Qui est là ?»« Tout le monde. »« Que dit-on ?»« Chacun se raconte ce qu'il va vous demander. »« C'est bien naturel. »« Mais de ma nomination, en as-tu entendu parler ?»« Oh, j'aime autant ne pas vous dire ce qu'on en dit. »« Ouais. »« Déjà la critique ?» Et parmi ceux qui ont besoin de vous. Que sera-ce, monseigneur, chez les gens dont vous aurez besoin ? Ah, par exemple, Rafté, dit le vieux maréchal en affectant de rire, ce qui dirait que tu me flattes. Tenez, monseigneur, dit Rafté, pourquoi diable vous êtes-vous attelé à cette charrue qu'on appelle le ministère ? Vous êtes donc là d'être heureux et de vivre ? Mon cher, j'ai goûté de tout, excepté de cela. Corbleu, vous n'avez jamais goûté d'arsenic ? Que n'en avalez-vous dans votre chocolat par curiosité ? Rafté, tu n'es qu'un paresseux. Tu devines que toi, mon secrétaire, tu vas avoir beaucoup de besogne, et tu recules, tu l'as dit d'ailleurs. Le maréchal se fit habiller avec soin. Donne-moi une tournure militaire, recommanda-t-il au valet de chambre, et donne-moi mes ordres militaires. Il paraît que nous sommes à la guerre, dit Rafté. Mon Dieu, oui, il paraît que nous sommes à cela. Ah, ça, mais, continua Rafté. « Je n'ai pas vu la nomination du roi, ce n'est pas régulier. Elle va arriver, sans doute. »« Alors, sans doute, le mot officiel, aujourd'hui ?»« que tu es devenu désagréable, Rafté, en vieillissant. Tu es formaliste et puriste. Si j'avais su cela, je ne t'aurais pas fait faire mon discours de réception à l'académie. C'est cela qui t'a rendu pédant. Écoutez donc, monseigneur, puisque nous sommes au gouvernement, soyons réguliers, c'est bizarre. Quoi donc est bizarre? Monsieur le comte de la Vaudraye, qui vient de me parler dans la rue, m'annonçait que rien n'était encore fait pour le ministère. Richelieu sourit. Monsieur de la Vaudraye a raison, dit-il. Mais tu es donc déjà sorti? Pardieu, il le fallait bien. Cet enragé vacarme de carrosse m'a réveillé. Je me suis fait habiller, j'ai pris mes ordres militaires aussi, et j'ai fait un tour par la ville. Ah? Monsieur Rafté s'est gai à mes dépens. Oh, monseigneur, Dieu m'en préserve, c'est que... C'est que quoi? En me promenant, j'ai rencontré encore quelqu'un. Qui cela? Le secrétaire de l'abbé Terray. Eh bien, il m'a dit que son maître était mis à la guerre. Oh, oh, dit Richelieu avec son éternel sourire. Qu'en conclut, monseigneur? Que si monsieur Terray est à la guerre, je n'y suis pas. Que s'il n'y est pas, j'y suis peut-être. Rafté en avait assez fait pour sa conscience. C'était un homme hardi, infatigable, ambitieux, tout aussi spirituel que son maître, et bien plus armé que lui, car il se savait roturier et dépendant. De défauts de cuirasse qui, pendant 40 ans, avait exercé toute sa ruse, toute sa force, toute son agilité d'esprit. Rafté, voyant son maître si bien assuré, crut lui-même n'avoir plus rien à craindre. « Allons, dit-il, monseigneur, hâtez-vous. Ne faites pas trop attendre, ce serait d'un mauvais augure. Je suis prêt, mais qui est là, encore une fois? Voici la liste. » Il présenta une longue liste à son maître, qui lut avec satisfaction les premiers noms de la noblesse, de la robe et de la finance. « Si j'allais être populaire, hein, Rafté ?»« Nous sommes au temps des miracles, » répondit celui-ci. « Tiens, Tavernet, » dit le maréchal en continuant sa lecture, « que vient-il faire ici ?»« Je n'en sais rien, monsieur le maréchal. Allons, faites votre entrée. » Et presque avec autorité, le secrétaire força son maître à passer dans le grand salon. Richelieu dut être satisfait. L'accueil qu'il reçut n'eût pas été au-dessous des ambitions d'un prince du sang. Mais toute la politesse, si fine, si habile, si cauteleuse de cette époque et de cette société, servit mal le hasard, qui ménageait à Richelieu une dure mystification. Par convenance et par respect de l'étiquette, toute cette foule s'abstint de prononcer devant Richelieu le mot ministère. Quelques-uns plus hardis allèrent jusqu'au mot compliment. Ceux-là savaient qu'il fallait glisser légèrement sur le mot, et que Richelieu n'y répondait qu'à peine. Pour tout le monde, cette visite faite au lever du soleil fut une simple démonstration, comme un souhait, par exemple. Il n'était pas rare à cette époque que les insaisissables nuances fussent comprises par des masses et à l'unanimité. Il y eut quelques courtisans qui se hasardèrent, dans la conversation, d'exprimer un vœu, un désir, une espérance. L'un aurait aimé, disait-il, voir son gouvernement plus rapproché de Versailles. Il se plaisait à causer de cela avec un homme d'un crédit aussi grand que celui de M. de Richelieu. Un autre prétendait avoir été oublié 3 fois par M. de Choiseul, dans des promotions de chevalier de l'ordre. Il comptait sur l'obligeante mémoire de M. de Richelieu pour rafraîchir celle du roi, à présent que rien ne faisait plus obstacle au bon vouloir de Sa Majesté. Enfin, sans demande plus ou moins avide, mais tout enveloppé avec un art extrême, se produisirent aux oreilles charmées du maréchal. Peu à peu, la foule s'éloigna. On voulait, disait-on, laisser M. le maréchal à ses importantes occupations. Un seul homme demeura dans le salon. Il ne s'était pas approché avec les autres, il n'avait rien demandé, il ne s'était pas présenté même. Quand les rangs furent éclaircis, cet homme vint au duc avec un sourire sur les lèvres. « Ah, monsieur le Tavernet, » fit le maréchal. « Enchanté, enchanté. Je t'attendais, duc, pour te faire mon compliment. » Et un compliment positif, un compliment sincère. Hein, vraiment? Et de quoi donc? Répliqua Richelieu, que la réserve de ses visiteurs avait mis lui-même dans la nécessité d'être discret et comme mystérieux. Mais mon compliment de ta nouvelle dignité, duc. Chut, chut, dit le maréchal, ne parlons pas de cela. Rien n'est fait, c'est un non-dit. Cependant, mon cher maréchal, bien des gens sont de mon avis, car tes salons étaient pleins. Je ne sais vraiment pourquoi. Oh, je le sais bien, moi. Quoi donc? Un seul mot de moi. Lequel? Hier, à Trianon. j'eus l'honneur de faire ma cour au roi. Sa Majesté me parla de mes enfants, et finit par me dire « Vous connaissez Monsieur de Richelieu, je crois. Faites-lui vos compliments. »« Ah, Sa Majesté vous a dit cela ?» répliqua Richelieu avec un orgueil étincelant, comme si ses paroles eussent été le brevet officiel dont Rafté suspectait l'envoi ou déplorait le retard. « En sorte, continua Tavernet, que je me suis bien douté de la vérité. Ce n'était pas difficile, à voir l'empressement de tout Versailles. Et je suis accouru pour obéir au roi en te faisant mes compliments, et pour obéir à mon sentiment particulier en te recommandant notre ancienne amitié. » Le duc en était arrivé à l'enivrement. C'est un défaut de nature, les meilleurs esprits ne peuvent pas toujours s'en préserver. Il ne vit dans Tavernet qu'un de ses solliciteurs du dernier ordre, pauvres gens attardés sur le chemin de la faveur, inutiles même à protéger, inutiles surtout dans leur connaissance, et auxquels on fait le reproche de ressusciter de leurs ténèbres après 20 ans pour venir se réchauffer au soleil de la prospérité d'autrui. « Je vois ce que c'est, » dit le maréchal assez durement. « On vient me demander quelque chose. »« Eh bien, tu l'as dit, duc. »« Ah !» fit Richelieu en s'asseyant, ou plutôt en s'enfonçant dans un sofa. « Je te disais que j'ai 2 enfants, » continua Tavernet, souple et rusé, car il s'apercevait du refroidissement de son grand ami et ne s'en rapprochait que plus activement. « J'ai une fille que j'aime beaucoup et qui est un modèle de vertu et de beauté. Celle-là est placée chez Madame la Dauphine, qui a bien voulu la prendre dans une estime particulière. De celle-là, de ma belle Andrée, je ne t'en parle pas, duc. Son chemin est fait. Sa fortune est en bon train. L'as-tu vue, ma fille? Ne te l'ai-je pas présentée quelque part? N'en as-tu pas entendu parler? Bah, je ne sais, fit négligemment Richelieu. Peut-être. N'importe, poursuivit Tavernet. Voilà ma fille placée. Moi, vois-tu, je n'ai besoin de rien. Le roi m'a donné une pension qui me fait vivre. J'aurais bien, je te l'avoue, quelques revenants bons pour rebâtir Maison Rouge, dont je veux faire ma retraite suprême. Avec ton crédit, avec celui de ma fille. Hé hé, fit tout bas Richelieu, qui n'avait pas écouté jusque-là, perdu qu'il était dans la contemplation de sa propre grandeur et que ce mot, le crédit de ma fille, réveillait en sursaut. Hé hé, ta fille, mais c'est une jeune beauté qui fait ombrage à cette bonne comtesse. C'est un petit scorpion qui se réchauffe sous les ailes de la dauphine pour mordre quelqu'un de Lucienne. Voyons, voyons, ne soyons pas mauvais amis. Et quant à leur connaissance, cette chère comtesse qui m'a fait ministre, va voir si j'en manque au besoin. Puis, tout haut, « Continuez, » dit-il avec hauteur au baron de Tavernet. « Ma foi, j'approche de la fin, » répliqua celui-ci, très décidé à rire intérieurement du vaniteux maréchal, pourvu qu'il en obtînt ce qu'il voulait avoir. « Je ne songe donc plus qu'à mon Philippe, qui porte un fort beau nom, mais à qui l'occasion de fourbir ce nom manquera toujours si personne ne l'aide. Philippe est un garçon brave et réfléchi, un peu trop réfléchi peut-être. » Mais c'est une suite de sa position gênée. Le cheval tenu de trop court baisse la tête, comme tu sais. Qu'est-ce que cela me fait ? Pensait le maréchal avec les signes les moins équivoques d'ennui et d'impatience. Il me faudrait, continua impitoyablement Tavernet, quelqu'un de haut placé, comme toi, pour faire obtenir à Philippe une compagnie. Madame la Dauphine, en entrant à Strasbourg, l'a fait nommer capitaine. Oui, mais il ne lui manque que 1000 livres pour avoir une belle compagnie dans quelques régiments de cavalerie privilégiés. Fais-moi obtenir cela, mon grand ami. Votre fils, dit Richelieu, c'est ce jeune homme qui a rendu un service à Madame la Dauphine, n'est-ce pas? Un grand! S'écria Tavernet. C'est lui qui a forcé le dernier relais de son Altesse royale, que voulait prendre de vive force ce du Barry. Ouais, fit en lui-même Richelieu, c'est cela, justement. Tout ce qu'il y a de plus féroce en ennemi de la comtesse. Il tombe bien, ce Tavernet. Il prend pour titre de grade des titres d'exclusion formelle. Vous ne me répondez pas, duc ? Dit Tavernet, un peu aigri par l'entêtement du maréchal à garder le silence. Tout cela est impossible, mon cher monsieur Tavernet, répliqua le maréchal en se levant pour indiquer que l'audience était finie. Impossible ? Une pareille misère impossible ? C'est un ancien ami qui me dit cela. Pourquoi pas ? Est-ce une raison, parce qu'on est amis, comme vous dites, pour chercher à faire l'un une injustice, l'autre un abus du mot amitié? Vous ne m'avez pas vu pendant 20 ans, je n'étais rien. Me voici ministre, vous arrivez. Monsieur de Richelieu, c'est vous qui êtes injuste en ce moment. Non, mon cher, non. Je ne veux pas vous laisser traîner dans les antichambres. Moi, je suis un ami véritable, par conséquent. Vous avez une raison pour me refuser, cependant. Moi ? S'écria Richelieu, très inquiet du soupçon que pouvait avoir le Tavernet. Moi, une raison ? Oui, j'ai des ennemis. Le duc pouvait répondre ce qu'il pensait, mais c'était découvrir au baron qu'il ménageait Madame du Barry par reconnaissance. C'était avouer qu'il était ministre de la façon d'une favorite. Et voilà ce que le maréchal n'eût pas avoué pour un empire. Il se hâta donc de répondre au baron. Vous n'avez aucun ennemi, mon cher ami, mais moi j'en ai. Accorder de suite et sans examen de titre des faveurs pareilles, c'est m'exposer à ce qu'on dise que je continue choiseul. Mon cher, je veux laisser des traces de mon passage aux affaires. Depuis 20 ans, je couvre des réformes, des progrès. Ils vont éclore. La faveur perd la France, je vais m'occuper du mérite. Les écrits de nos philosophes sont des flambeaux dont la lumière n'aura pas été en vain aperçue par mes yeux. Toutes les ténèbres des jours passés sont dissipées. Il était bien temps pour le bonheur de l'État. Aussi examinerai-je les titres de votre fils, ni plus ni moins que ceux du premier citoyen venu. Je ferai ce sacrifice à mes convictions, sacrifice douloureux sans doute, mais qui n'est que d'un homme au profit de 300 000 autres peut-être. Si votre fils, M. Philippe de Tavernet, me paraît mériter ma faveur, il l'aura. Non parce que son père est mon ami, non parce qu'il s'appelle de son nom, mais parce que ce sera un homme de mérite. Voilà mon plan de conduite. C'est-à-dire votre cours de philosophie, répliqua le vieux baron, qui de rage se rongeait le bout des doigts et appuyait sur son dépit de tout le poids d'un entretien qui lui avait coûté tant de condescendance et de petite lâcheté. Philosophie, soit, monsieur. C'est un beau mot. Qui dispense des bonnes choses, monsieur le maréchal, n'est-ce pas ? Vous êtes un mauvais courtisan, dit Richelieu avec un froid sourire. Les gens de ma qualité ne sont courtisans que du roi. Et de votre qualité, monsieur Rafté, mon secrétaire, en a 1000 par jour dans mes antichambres, répondit Richelieu, et ils arrivent de je ne sais quel trou de province où l'on apprend à être impoli avec ses prétendus amis tout en prêchant l'accord. Oh, je sais bien qu'un maison rouge, noblesse issue de croisade, n'entend pas aussi bien l'accord qu'un vigneron ménétrier. Le maréchal eut plus d'esprit que Tavernet. Il pouvait le faire jeter par les fenêtres. Il se contenta de hausser les épaules et de répondre. « Vous êtes trop arriéré, monsieur les croisades. Vous n'en êtes qu'au mémoire calomnieux, fait par les parlements en 1720. Et vous n'avez pas lu celui des ducs et pairs y faisant réponse. Passez dans ma bibliothèque, cher monsieur. Rafté vous le fera lire. » Et comme il y conduisait son antagoniste avec cette fine répartie, la porte s'ouvrit et un homme entra bruyamment en disant « Où est-il, ce cher duc ?» Cet homme, enluminé, aux yeux dilatés de satisfaction, aux bras rondis par la bienveillance, était Jean du Barry, ni plus ni moins. À l'aspect du nouveau venu, Tavernet recula de surprise et de dépit. Jean vit ce geste, reconnut cette tête et tourna le dos. « Je crois comprendre, » dit le baron tranquillement, « et je me retire. Je laisse monsieur le ministre en parfaite compagnie. » Et il se retira fort noblement.